Il est des choses qu'il faut comprendre. Il est des choses qu'il faut admettre. Et tant de choses qu'il faut apprendre, comme de ne jamais se soumettre. On nous impose des dogmes infâmes, surtout à vous, mes demoiselles. Je ne critique pas la femme, non, au contraire, je plaide pour elle. Et on lui impose une image, c'est le but de l'apparence. On ne veut pas voir le visage, seul le cœur a de l'importance. Les sur cette société, c'est machiste et misogyne, mais cela n'aura jamais d'effet tant que vous y soumettrez. Regardez ces femmes dans la rue qui pour vivre se prostituent. Regardez la pornographie où la femme soumise obéit. Certaines y prennent du plaisir, elles aiment attiser le désir. Mais quand le quotidien devient pornographie, je ne m'abstiens pas de faire entendre ma voix. Le corps de la femme est souillé, on le profane tant de fois, en l'exhibant et sans arrêt. Pourquoi je vois tant de femmes nues sans cesse dans la publicité? Mais n'y a-t-il plus de tenue? Où est donc passé le respect? Posture vulgaire pour les femmes sans chair, idolâtrées par le fils innocent et protégées, je ne sais comment faire. Or je les veux devenir élégantes et plus charnues que ces squelettes semblant de femmes qui n'ont pas besoin pour vivre d'utiliser leur tête, car il leur suffit de montrer leur sein, leur planche à pain. Pourquoi vouloir ressembler à cela? Où sont passées les formes féminines? Pourquoi adhérer à cela? Voilà la domination masculine. Une preuve de plus que le mal et ses bas instincts dominent parfaitement les femmes au quotidien, simplement parce qu'elles ont accepté de danser cette mauvaise valse avec nous, se sentant défiées, sans même réfléchir aux impacts sur les générations futures. Les esprits ne sont plus intacts à cause de ce mal qui perdure. Et que tu t'y plies, cela me détruit. Pourtant, ton image ne vaudra jamais ta vie.